Bien sûr, l'épisode vraiment intéressant s'est passé 3 jours avant et le dossier a été classé tout à fait cessant. Un satellite, le North Sea, a détecté le signal d'une infime radiation à une centaine de brasses, comme s'il y avait quelque chose là-dessous. Vous alliez enquêter, mais que savez-vous au juste que c'est arrivé? Les vaisseaux spatiaux, les ports, l'opération de diversion, mais d'où ça vient? Ils ont transformé le corps en vêtements afin de déguiser la chose à l'intérieur. Remettez-vous. Alors, maintenant, je vous crois. C'est extraterrestre. Derrière tout ça, il doit y avoir une formidable technologie. Si on trouve ce que c'est, on pourrait l'utiliser. Oh mon Dieu, on dirait que c'est... Oh, maintenant, Ariel, ça suffit. La plaisanterie a assez duré. Vous ne... Oh mon Dieu, c'est... C'est le Premier ministre. Si des extraterrestres font un faux crash avec un faux pilote, qui est-ce qu'il leur... Ils nous leurrent, nous. Ce que je croyais être une diversion est un piège. Oh! Quelqu'un était méchant, on dirait. C'était plus grand à l'intérieur. C'est tout ce que je sais. Qu'est-ce que je connais, moi, aux vaisseaux spatiaux? Oui, c'est bien ce qui m'inquiète. Cet homme est classé fauteur de troubles. Ce qui veut dire que quiconque s'acoquine avec lui est fauteur de troubles. C'est ça, mon job. Éliminer les fauteurs de troubles. Mais c'est impossible. Il est parti cet après-midi. Le Premier ministre est parti de Downing Street avec un chauffeur. Mais qui vous a dit ça, souvenez-vous? C'est moi. Tout dépend de nous, les experts en extraterrestres, les seuls qui savent comment les combattre et qui sont ensemble dans cette pièce. Est-ce que vous pourriez éviter de flatuler pendant que je sauve le monde? Préférez-vous que ce soit silencieux et mortel, docteur? Je vous remercie de conserver vos cartes d'identité sur vous. Ça nous aidera pour reconnaître vos corps pétrifiés.